na na na na na na na. La vie est un jeu. On a beau rêver d'une embellie, le temps file sans aucune mélancolie. On défend nos billes, on essaie de rester poli. Capitalisme ambiant, monopoly. On a beau rêver d'une embellie, le temps file sans aucune mélancolie. On défend nos billes, on essaie de rester poli. Capitalisme ambiant, monopoly. On croit jouer un jeu, mais il est bien réel. On connaît la finalité, mais de quoi je me mêle? Interne ou externe, tous participants. Juste une différence de taille de clé à six pans. Rajouter de l'eau au moulin, on le fait tous. On ne va pas culpabiliser en plus d'avoir la frousse. De s'en aller loin et de tout lâcher, sans destination concrète se réaliser. Né au beau milieu de la partie, plusieurs années à comprendre les règles. Si notre passion s'empathie, on veut notre indépendance comme l'aigle. Le créateur a reproduit le schéma inévitable. Être humain assoiffé de pouvoir peu fiable. Vol au-dessus d'un nid de concon. Zombies de série B qui suivent le filon. On a beau rêver d'une embellie, le temps file sans aucune mélancolie. On défend nos billes, on essaie de rester poli. Capitalisme ambiant, monopoly. On a beau sans aucune mélancolie, on défend nos billes, on essaie de rester poli. Capitalisme ambiant, monopoly. À chercher les caméras comme Truman, on n'en finit pas voir des filatures à chaque virage. Qui inventa le coup de la panne? Sûrement un pervers qui profita de son âge. Je t'apprends rien, honneur, tu es de plusieurs ballons heureux. Fais sa façade quand le jardin lui met les voiles. Si un banquier est devenu président, c'est que nos pressentiments étaient évidents. Chacun à son poste affine la pyramide. Désolé si cette révélation est acide. Tu peux jeter les dés autant de fois que tu le veux. Le film se déroule sans que tu puisses changer l'enjeu. Grain de poussière avec un impact minable. Des milliers de ficelles autour du cou. Les principales ne sont pas des coupables. Besoin de savoir pour mieux préparer son coup. On a beau rêver d'une embellie, le temps file sans aucune mélancolie. On défend nos billes, on essaie de rester poli. Capitalisme ambiant, monopoly. On a beau rêver d'une embellie, le temps file sans aucune mélancolie. On défend nos billes, on essaie de rester poli. Capitalisme ambiant, monopoly. Monopoly. Tu le sais, ouais.